Lettre depuis la tôle des femmes de Rennes. Voici trois lettres écrites depuis la tôle des femmes de Rennes pendant ce mois de janvier 2018 qui viennent parler de la situation actuelle à l'intérieur, avant et pendant la grève des matons-matones. Dans cette période où les matons-matones et leurs syndicats prennent toute la place avec leurs discours réac et sécuritaires, dans la rue comme dans les médias qui relaient allègrement leur vomi, on voulait rendre visibles ces lettres de Maïté et Marina enfermées au centre pénitentiaire pour femmes. On publie ces lettres parce qu'au-delà du contexte particulièrement dégueu, on voit toujours du sens à briser le silence, à exprimer notre rage et notre solidarité directe avec les moyens qui nous semblent pertinents et par l'auto-organisation pour la destruction de toutes les prisons et du monde qui en a besoin. En parallèle et parmi d'autres réactions un peu partout en France, le 25 janvier, 76 détenus de la tôle pour hommes de Vezin refusaient de retourner en cellule. Les grilles des cours ont été forcées et deux débuts de feu ont été déclenchés. Vive la révolte, liberté pour toutes. Entendez-vous la voix des prisons, des mutinés de Toul, de Nancy, de Clairvaux, Los, Amiens ou de Nîmes, cette voix qui crie insurrection, ce sont nos frères, nos enfants, nos maris, nos frangines, nos camarades, nos amis, à qui ne reste que la violence pour abattre le mur du silence. Mais dehors ou derrière les grilles, la misère a le même goût. Révoltés des prisons Bastille, tous ceux qui luttent sont avec vous. Tous ceux qui luttent sont avec vous. Lettre de Maïté de mi-janvier. Ces derniers temps, on a beaucoup entendu parler du CPF de Rennes. Ainsi, on a pu lire dans le quotidien Ouest France du 27 décembre 2017 un article complet sur les faits intervenus dans cette prison, illustré par une grande photo couleur, et que des surveillantes ont manifesté à la porte de cette prison puisque, selon eux et elles, la vie entre ces murs est devenue très dure pour le personnel pénitentiaire, bien sûr. La cause de tout ce désordre est soi-disant une détenue, une femme extrêmement dangereuse. Je connais bien la vie en prison. J'ai connu et très vite apprécié cette femme que la pénitentiaire persiste à qualifier de violente et dangereuse. La direction du CPF l'accuse de semer la peur chez les surveillantes, de vouloir les agresser et d'avoir tenté de s'évader. Si les conséquences de ces accusations n'étaient pas si graves pour elle, on serait tenté d'éclater de rire tant ces assertions dignes d'un scénario hollywoodien sont absurdes. Une femme, seule, enfermée dans une cellule, peut facilement perdre son sang-froid face à une institution qui a carte blanche pour punir et réprimer en toute impunité, et qui est faite pour ça. Nous avons toutes été témoins de la persécution et l'acharnement de l'administration pénitentiaire sur cette femme, laquelle a passé ses derniers mois entre le confinement de sa cellule, le QD, quartier disciplinaire, le D1, une division de 20 cellules vidées de toute autre occupante à l'exclusion de la détenue maintenue en isolement total, et l'UHSA, unité psychiatrique réservée aux détenus du centre hospitalier Guillaume Régnier. Étant en fin de peine et voyant s'enchaîner punition sur punition, cette femme a tout simplement pété les plombs car sa situation était insupportable. La direction du CPF l'accuse également de fumer des joints et de posséder un téléphone portable. L'hypocrisie du système par rapport à ces deux questions m'insupporte tant elle est absurde, aberrante et agaçante. En premier lieu, la drogue. Il faut savoir qu'en prison, c'est un véritable fléau. Cependant, il faut savoir que le principal et plus gros dealer en prison est le service médical. En effet, contrairement à celles qui se procurent par leurs propres moyens leur hache pour se faire un joint, l'UCSA fournit et distribue en toute légalité les drogues les plus dures, celles qui font le plus de dégâts, des substitutifs de l'héroïne et de la cocaïne, avec l'entière complicité de l'administration pénitentiaire, car ça lui sert à isoler, contrôler, à annihiler et à soumettre les prisonnières. En second lieu, le téléphone. Arrêtons le délire. Il nous parle de maintien des liens familiaux et de réinsertion. L'administration pénitentiaire a signé un contrat avec une société, SAGI, qui, à l'abri des murs, hors de la portée de toute concurrence et avec la complicité du système judiciaire, organise un véritable racket des détenus. Les communications sur un téléphone en France sont excessivement chères, et je ne parle même pas de celles qui avons nos familles à l'étranger. Tous les êtres humains ont besoin de communiquer. Tous les êtres humains ont besoin d'affection, encore plus lorsqu'on est seul, enfermé, sans défense, loin de sa famille et dans une situation pécuniaire difficile. Cette femme toulousaine était à des centaines de kilomètres de chez elle. Sa famille ne pouvait pas se permettre de venir la voir très souvent. Elle avait demandé à plusieurs reprises le transfert vers le sud, mais ils n'ont jamais accepté, comme punition, pour son soi-disant mauvais comportement. Mais pour la punir de son pétage de plomb, la décision de transfert disciplinaire à Nantes a été prise, validée et appliquée à toute vitesse. Elle voulait donc maintenir les liens familiaux et amicaux avec un téléphone portable. La direction du CPF, même si elle ne le dit pas publiquement, l'accuse aussi d'être une femme arabe, musulmane et fière de l'être. La prison républicaine française ne pardonne pas celles qui veulent vivre librement et dignement leurs croyances religieuses. Je veux dire leurs croyances religieuses musulmanes. Car lorsqu'on est catholique ou protestante, exercer sa liberté de culte est beaucoup plus facile entre ces quatre murs. Dans cette prison laïque, il y a trois sœurs catholiques voilées qui circulent tous les jours dans les coursives ou dans les divisions, clés dans la main. Je n'ai jamais vu d'aumônière musulmane en division. De même, à l'intérieur du CPF, il y a une chapelle digne d'un village, avec ses curés, ses messes, ses célébrations et même ses visites d'évêques. Mais si une femme musulmane veut sortir de sa cellule avec la tête voilée, elle aura, au nom de la laïcité, un compte-rendu d'incident qui l'expose à des sanctions disciplinaires et plus à une accusation de radicalisation. L'administration pénitentiaire ne lui pardonne pas non plus qu'après des années d'emprisonnement, elle n'ait toujours pas baissé la tête et ployé le genou. Ils n'ont pas réussi à la convaincre que leur loi et leur morale est la bonne. Elle a continué à s'insurger face aux injustices, à rester solidaire et gentille avec ses amis détenus. Elle ne balance pas, elle ne collabore pas avec eux. Tout cela est à leurs yeux impardonnable, et pour cette raison, ils s'acharnent sur elle. Les surveillantes, non contentes de ça et avides de prétextes pour augmenter les effectifs et la répression en détention, manifestent devant la prison pour pleurnicher sur la dangerosité de leur boulot. Mais le cas de cette femme est symptomatique de ce qui se passe dans les prisons françaises. Comme le dit une autre femme qui a très bien connu les geôles françaises, la prison est une entreprise de destruction sociale. À mon sens, le mal-être des surveillantes est justement la conséquence directe de l'augmentation de la répression et la déshumanisation croissante dans les prisons françaises. Elles demandent plus de sécurité lorsqu'elles créent elles-mêmes les conditions d'insécurité. Et cela veut dire, pour nous prisonnières, la dégradation croissante de nos conditions d'incarcération, qui sont en fait nos conditions de vie. Nous savons toutes que plus d'oppression et plus d'humiliation se traduit par plus de rage et plus de violence. J'ai voulu par cette lettre témoigner de mon indignation et réécrire l'histoire pour donner la véracité des faits. Je vous remercie de me donner l'opportunité d'informer de la réalité carcérale en prêtant votre attention et votre oreille à la voix et à la version de quelqu'un qui y vit. Maïté. Paysans, ouvriers ou précaires, immigrés, militants, clandestins, les brimades, les fouilles à corps, l'arbitraire, il y en aura pour tous et pour chacun. Car te prendre ta liberté leur suffit pas. La prison, c'est une zone de non-droit. Si tu l'ouvres un jour où t'en as marre, c'est l'isolement, le cachot, le mitard. Mais dehors ou derrière les grilles, la misère a le même goût. Révoltés des prisons bastilles, tous ceux qui luttent sont avec vous. Tous ceux qui luttent sont. Lettre de Maïté du 20 janvier. J'affirmais dans ma lettre précédente que plus de sécurité pour eux suppose la dégradation de nos conditions de vie. Nous avons pu vérifier cette affirmation avec les dernières protestations des surveillantes. Ça tombe bien pour eux. Le gouvernement a maintenant le prétexte parfait pour mettre en place davantage de mesures répressives. Mais je voudrais surtout dénoncer leur façon de faire la grève, en tout cas dans cette prison, car les seules personnes qui avons subi les conséquences du blocage avons été les détenus et nos familles. En effet, ils ont empêché l'entrée aux médecins, aux personnes qui s'occupent du travail en détention, aux intervenants éducatifs et culturels, ainsi qu'aux proches qui sont venus nous rendre visite au parloir. Cependant, toutes les surveillantes, la hiérarchie pénitentiaire, monsieur le directeur, le personnel de la direction interrégionale et tout le reste est bien entré. Et après, ils et elles, les grévistes, se réclament comme étant des travailleurs et travailleuses qui luttent pour leurs droits. J'estime qu'une lutte qui est destinée à nuire un peu plus la vie aux personnes qui sont enfermées et sans défense possible est quelque chose de lâche et de misérable. Je dénonce aussi l'hypocrisie de tous ceux et celles qui s'érigent comme défenseurs de la loi. Si c'était nous qui étions révoltés face au manque de travail, manque de parloir, etc. en ce moment, nous nous trouverions toutes au quartier disciplinaire avec le conséquent retrait de remise de peine qui prolonge notre temps d'incarcération. Eux, elles, les surveillantes, n'ont pas manqué un seul jour de salaire. Je voudrais aussi souligner le cas de notre camarade Marina. Le 15 janvier, elle avait une visite de 24 heures dans le cadre des unités de vie familiale. Sa famille est venue de Barcelone et elle n'a pas pu entrer à cause des blocages, même après avoir essayé d'expliquer leur situation au piquet de grève de la porte. Ainsi, sa famille a passé 3 jours et 2 nuits sur Rennes à attendre devant la porte de la prison pour finalement se voir l'entrée refusée. Ceci est, encore une fois, conséquence de la politique de dispersion que les États espagnols et français appliquent contre notre collectif, le collectif des prisonniers et prisonnières politiques basques. Sa famille a été victime également de ce système carcéral qui cherche constamment la punition et l'humiliation des prisonnières. Toute cette spirale répressive ne servira qu'à empirer la situation dans les prisons françaises. La rage et la violence augmenteront et la sensation d'insécurité grandira pour tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de repenser et d'organiser une vraie alternative à ce système carcéral. Maïté. Dans toutes les prisons, on tabasse. 3 matons qui s'emmerdent, tu y passes. On a froid, on bouffe mal, on devient cinglé, entassé dans quelques mètres carrés. Tuer le temps dans ce ghetto jour après jour, compter les heures chaque nuit sans amour. Dans les couloirs de la mort lente, plus de repères, faut s'accrocher pour pas se foutre en l'air. Mais dehors ou derrière les grilles, la misère a le même goût. Révoltés des prisons Bastille, tous ceux qui luttent sont avec vous. Tous ceux qui luttent sont avec vous. Lettre de Marina de la fin janvier. Le 15 janvier a commencé un mouvement de maton-matonne dans toutes les prisons de l'État français pour protester, soi-disant, pour le manque de mesures de sécurité dans les établissements pénitentiaires et dénoncer l'agression que quelques surveillants-surveillantes ont subie à la prison de Vendin-le-Vieil par un prisonnier. Les matons et matonnes se sentiraient ainsi en danger, elles manqueraient d'effectifs et d'instruments répressifs pour faire face aux prisonniers-prisonnières qui les agressent. Elles ne se sentiraient pas valorisées socialement. Ils manqueraient d'amour et de compréhension de la part de leurs semblables, lesquels ne comprendraient pas leur rôle social. Mais elles se feraient maltraiter aussi par l'État, lequel, en les sous-payant, n'apprécierait pas le grand service qu'elles rendent à la société en gardant les méchants, méchantes à l'écart, hors de la vue des gens honorables. Les matones ne sont pas des ouvrières. Ils et elles sont des agents actifs dans la protection et la préservation d'un système qui protège les riches et enferme les précaires. L'amélioration des conditions de travail qu'elles réclament ne sont autre chose qu'un manifeste en faveur d'un modèle de société basé sur la sécurité. Mais pas la sécurité d'avoir une vie digne et épanouie, ni la sécurité de pouvoir arriver à la fin du mois avec suffisamment de ressources matérielles, non plus la sécurité de ne pas manquer de logement, ni de nourriture, ni de chauffage, ni la sécurité de ne pas se faire arrêter, contrôler, ni tabasser dans la rue à cause de la couleur de ta peau, de ton idéologie, ta religion ou ton orientation sexuelle. La sécurité qu'elles défendent est basée sur le contrôle, la haine et la peur. Elles demandent plus de caméras de vidéosurveillance, plus de fouilles, plus d'armes, plus d'effectifs, plus de barbelés, plus d'isolement, plus de discrimination, plus d'obéissance. En prison, nous vivons enfermés, ce qui est en soi une mesure inhumaine d'une grande violence, mais nous vivons aussi sous la menace permanente. Au moindre incident ou montée de ton dans une discussion, les matons débarquent à plusieurs. On se fait vite entourer d'uniformes prêts à intervenir. Ils disposent de menottes, de casques, de boucliers, de la force brute, du nombre, de la menace. En cas de nécessité, il y a aussi les ERIS, plus entraînés et avec plus de moyens. Un incident banal peut faire l'objet d'un compte-rendu d'incident, lequel entraîne un passage en commission disciplinaire. Les sanctions dont elles disposent sont bien connues. Confinement, mitard, isolement, transfert disciplinaire, piqûre d'anxiolytique. La machinerie répressive dont ils disposent, donc, n'est pas négligeable. Cependant, toutes ces mesures se sont avérées complètement inefficaces puisque les matones continuent à se faire agresser. Alors la solution passerait par les endurcir, les incrémenter. Peut-être avec des tasers se sentirait-elle mieux. Et pourquoi pas un boulet attaché au pied? Une caméra de gaz calmerait-elle les récalcitrantes? En réclamant plus de moyens, ils réclament plus de contraintes pour nous, les prisonniers et les prisonnières, ce qui entraîne plus de tensions, plus de rage, plus de violence. Les surveillants et surveillantes de prison, conjointement avec les autres forces répressives, sont ceux et celles qui font le sale boulot aux États, sont celles qui font que la machine tourne. Elles sont complices des politiques gouvernementales qui génèrent davantage d'inégalités et donc poussent aux pauvres et aux exclus à la débrouille, à la lutte pour la survie, à la lutte pour le changement social. Elles sont agents actifs dans la défense du modèle patriarcal qui enferme les femmes qui se sont défendues des attaques machistes, celles qui s'écartent de leur rôle à imposer de mère et d'épouse. Ils se plaignent de faire un boulot qui n'est pas valorisé socialement, mais comment veulent-ils qu'on valorise celui ou celle qui enferme des êtres humains dans des cages? Les tortionnaires, eux non plus, ne sont pas bien vus. Par contre, tout le monde apprécie la boulangère du coin. Il n'y a rien d'étonnant là-dessus, c'est plutôt même une bonne nouvelle. Avec les blocages des prisons, les matons et les matones ont fait une déclaration de guerre aux prisonniers et prisonnières. Ils se sont attaqués à toutes les choses qui nous touchent de près dans notre quotidien. Elles nous ont laissés sans parloir, punissant au passage nos proches qui se sont déplacés pour rester à la porte ou qui ont vu leur temps de parloir réduit considérablement. En empêchant l'entrée des intervenants et des intervenantes, elles nous ont laissés sans activité, sans formation ni travail, si on peut appeler travail l'esclavage légal qui s'applique en prison. En empêchant l'entrée des docteurs, psy et infirmiers et infirmières, sauf une docteur et une infirmière, elles nous ont laissés sans soins ni médicaments. En bloquant l'entrée des fournisseurs, elles nous ont laissé sans pain, sans cantine, sans produits frais, sans fruits et légumes. En retardant les mouvements, elles nous ont raccourci les horaires de promenade et de sport, ou les ont carrément supprimés. Elles ne se sont pas attaquées à leur hiérarchie, ni au fonctionnement de l'institution en ce qui concerne la question sécuritaire. Elles n'ont pas laissé les portes ouvertes, ni n'ont menacé de le faire. Tout le personnel pénitentiaire est bien entré, il continue à nous enfermer dans les cellules, à faire des fouilles, à nous faire passer sous le portique, à faire les comptes rendus d'incidents. La machine fonctionne. C'est étonnant le zèle qu'elles apportent à leur tâche. Ils défendent le règlement et l'institution comme si c'était leur maison ou leur famille. Or, elles défendent quoi ou qui au juste? Un État qui les considère comme un pion de plus et qui n'est même pas en mesure de leur garantir une pension digne pour la retraite? Mais c'est beaucoup plus facile de s'attaquer aux plus démunis, à celles qui ont les bras liés, à celles qui sommes ici retenues en otage, impuissantes de voir qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent et qu'ils bénéficient de la totale impunité. En effet, tous ceux qui s'érigent en défenseurs de la loi et de l'ordre, qui sont prêts à intervenir avec l'usage de la violence au moindre mouvement collectif de notre part, bloquent l'entrée sans que personne n'intervienne. Elles sont au-dessus de ça, c'est gratuit. Ici, c'est chez eux, nous ne sommes que des pièces à utiliser pour leur tour de force. Et c'est justement ce qu'ils cherchent, nous pousser à bout, nous énerver, nous faire exploser de rage. Tout d'un coup, les nouvelles d'agressions de surveillants et surveillantes se multiplient dans les médias fidèles au régime. Le voyez-vous? Voyez-vous comment c'est dangereux en prison? Quelles bêtes nous devons garder? Elles aimeraient qu'on mobilise nous aussi, que ça pète ici pour donner de l'ampleur à leur mouvement. Nous nous trouvons coincés au milieu. D'un côté, le besoin de répondre, de ne pas se laisser faire. De l'autre, le besoin d'agir intelligemment pour ne pas tomber dans leur manège, ne pas agir comme ils le voudraient. Nous avons choisi de leur rappeler à chaque instant que nous sommes en colère, qu'on les méprise profondément, que ce qu'ils font nous dégoûte et qu'on n'oublie pas, qu'après on se croisera tous les jours et que, à la fin, on récolte ce qu'on sème. Avec la rage au ventre, Marina. Ceux de Toul ont montré le chemin. Refus de plateau, refus de rentrée, de promenade. Au début, ils voulaient dialoguer, mais le dirlo n'a rien voulu lâcher. Une étincelle et la prison s'est embrasée. Et quand les gars sur les toits sont montés, au badaud attroupé au pied du mur, ils gueulaient à bas la dictature. Mais dehors ou derrière les grilles, la misère a le même goût. Révoltés des prisons Bastille, tous ceux qui luttent sont avec vous. Tous ceux qui luttent sont avec vous. Quelque part sur une banderole, ils ont écrit « On nous traite comme des chiens ». D'autres ont crié « Les jeunes avec nous ». Et les médias ont dit qu'ils étaient sous. Drôle d'ivrogne que ces hommes en colère qui soudain osait se révolter contre les mouroirs pénitentiaires au nom du droit à la dignité. Mais dehors ou derrière les grilles, la misère a le même goût. Révoltés des prisons Bastille, tous ceux qui luttent sont avec vous. Tous ceux qui luttent sont avec vous. Monsieur Papon fait des bulles dans son bain, les patrons assassins dorment au chaud. Pendant ce temps-là, chez les longues peines, insidieuse la torture blanche fait son turbin. Et les perpètes en fin d'exil, fin de survie, les détenus âgés, malades, handicapés, déshumanisés, méprisés, abandonnés, agonisent, chaînes aux pieds, mamonotés. Mais dehors ou derrière les grilles, la misère a le même goût. Révoltés des prisons Bastille, le cœur du peuple bat pour vous. Le cœur du peuple bat pour vous. Entendez-vous la voix des prisons, des mutinés de Toul, de Nancy, de Clairvaux, Los, Amiens, de Nîmes, de Bapaume, Caen, Périgueux, Melun, La Talaudière, Saint-Maur, Arles, de la Santé, des Baumettes, de Fleury-Mérogis, de Lannemezan, Poissy, Bastia, Angers, Tarascon, Perpignan, Pontoise, Muret, Fresnes, Mulhouse, Grenoble, Saint-Michel, Draguignan, Mende, Enzichem, Besançon, Lyon-Saint-Paul, Saint-Joseph, Avignon, Fontevraud, Ajaccio, Hesse, Saint-Martin-de-Ré, Bois-d'Arcy, Angoulême, Évreux, Dieppe, Beauvais, Saintes, Coutances, Mesquelleux, Nantes, Vars, Dijon, Montpellier, Douai, Rouen, Rennes, Pointe-à-Pitre, Tulle, Hermiguen, Béthune, Saint-Mihiel, Colmar, Neuvic-sur-Lille, Remire-Montjoly, en Guyane, Moulin-Isère. Cette voix qui crie insurrection.